Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici la grande édition de la mi-journée de ce 5 août 2020. Voici les grands titres. Les habitants des quartiers du nord de la ville de Bujumbura se disent impatients du rendez-vous électoral des chefs collinaires et des quartiers. Ils demandent aux élus d'honorer leurs promesses électorales. Et plus de 250 Burundais bloqués à Dubaï à cause de la pandémie du coronavirus demandent au gouvernement de les aider à regagner leur pays. Dans ce journal également, des lauréats du département de langue et littérature anglaise dénoncent l'exclusion dont ils sont victimes dans le recrutement. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Les habitants des quartiers du nord de la ville de Bujumbura se disent impatients du rendez-vous électoral des chefs collinaires et de quartiers prévus vers la fin du mois d'août courant. Certains d'entre eux demandent aux futurs responsables locaux de tenir promesse. Ils déplorent dans le même temps qu'il y en a qui terminent leur mandat sans avoir honoré leurs promesses électorales. On fait le point avec Mélichard Niyonguru. Ces habitants rencontrés au quartier Bubanza, en zone Kinama, au nord de la capitale économique Bujumbura, disent attendre avec impatience ce rendez-vous électoral des chefs de quartier et des chefs collinaires. Aucune trace de la campagne électorale pour les collinaires dans ce quartier, sauf quelques affiches sur les poteaux électriques où on peut lire, je cite, « Au cours de mon mandat, je combattrai à jamais les rumeurs, la discrimination, les propos injurieux et de haine. Qui a bien élu sera bien gouverné, etc. » et fin de citation. Celui-ci nous relate que le candidat se contente seulement des affiches. Je les vois venir mettre des affiches sur ces poteaux électriques et ils se présentent et nous disent qu'ils veulent se faire élire et ils s'en vont, c'est tout. Il nous avoue également que si jamais ces candidats venaient l'intéresser, il va leur prêter oreille, mais qu'il saura quoi faire au moment du vote. La voix est destinée à une seule personne, mais ceux qui nous sollicitent sont nombreux. Vraiment, je n'hésiterai pas à les écouter et à consommer ce qu'ils vont nous donner, mais je saurai quoi faire au moment du vote. Parmi les actions à prioriser, figure l'hygiène dans ce quartier, demandent ses habitants de Kinama aux futurs responsables. Toutefois, il y a d'autres qui disent qu'ils ne peuvent rien demander à ces futurs dirigeants locaux, car, explique-t-il, même ceux qui viennent de terminer leur mandat n'ont pas tenu leurs promesses. Nous avons fait toujours des appels. Nous attendons Godot. Donc nous attendons quelque chose qui nous viendra déjà. Nous sommes là. Nous allons attendre ce qui passe au fil. Et nous allons applaudir. Aux candidats en lice de tranquilliser, la préoccupation première sera de rendre un beau service à tout habitant du quartier, explique ce candidat rencontré sur place. La première chose est d'être auprès de la population pour pouvoir les servir dans ton quartier. Deuxième chose, c'est d'être un bon médiateur dans l'air différent, que ce soit des conflits familiaux ou ceux concernant les litiges fonciers. Les élections de chefs collinaires et de quartiers étant prévues dans l'avant-dernière semaine du mois en cours et ça sera en date du 24 courant, c'est-à-dire dans 3 semaines. Eh bien, Richard Niyonguru, près de 250 Burundais sont bloqués à Dubaï depuis quelques mois. Confirmation de Kevin Eddy, président de la diaspora burundaise vivant dans ce pays du continent asiatique. Il explique que ces Burundais ont été bloqués à Dubaï suite à la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier et demande au gouvernement burundais de les aider à regagner leur pays natal. Suivez plutôt ce représentant de la diaspora burundaise à Dubaï. Il est traduit par Evariste Nzikobanyanga. Ces Burundais sont au nombre de 250. Le Covid s'est déclaré alors qu'ils étaient à l'étranger. Le premier groupe est constitué par les commerçants. Ils se sont heurtés à la fermeture des frontières. Le deuxième groupe est celui de ceux qui étaient à la recherche du travail. Ceux-là n'ont pas été embauchés suite au Covid-19. Ces derniers nous ont saisis et manifestent la volonté de rentrer. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui car les frontières des pays sont toujours fermées. C'est pourquoi ils appellent le gouvernement à faciliter le retour dans leur pays natal. « C'était le représentant de la diaspora burundaise à Dubaï. Nous attendons toujours la réaction du gouvernement sur ce sujet. Et plus de 120 échoppes du marché moderne de Rugombo sont inoccupées depuis plus de 2 ans. Le commissaire de ce marché explique qu'il y en a qui ont bénéficié de ces échoppes pour des postes qu'ils occupaient au sein de l'administration communale, alors qu'ils n'étaient pas des commerçants, sachant qu'ils allaient avoir des locataires. Le gouverneur de la province, Chibitoke, indique qu'il va prendre une décision après l'identification de ces stands inoccupés. Alexis Ndayiragich. C'est plus de 120 échoppes qui ne sont pas fonctionnelles au marché moderne de Rugombo se trouvent en étage. Les échoppes qui se trouvent en bas sont plus occupées puisque les produits de première nécessité se trouvent là. Le commissaire de ce marché indique qu'il a été placé dans ce poste après la distribution des échoppes. Il affirme que lors de l'attribution des échoppes, certains propriétaires ont demandé des places sachant qu'ils vont avoir des locataires puisqu'ils n'étaient pas des commerçants. Il précise bien que tout personnel de la commune Rugombo devait avoir une place dans son marché et que d'autres recevaient des échoppes selon les connaissances qu'ils avaient avec certains membres de la commission d'attribution des échoppes dans son marché. Certaines personnes contactées au chef de la commune Rugombo nous ont indiqué que ces échoppes ont été attribuées illégalement tout en demandant que ces échoppes qui ne sont pas fonctionnelles soient réattribuées à d'autres commerçants qui sont capables d'en utiliser. Le gouverneur de la province Chibitoke, dans sa dernière descente de la semaine écoulée dans son marché, il a demandé au commissaire de son marché d'identifier des propriétaires des places vacantes afin de prendre une décision. Il a également demandé que les marchandises comme les chaussures, les habits, les friperies soient déplacées vers les échoppes en étage. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. De Chibitoke, rendons-nous maintenant à Gitega, où on ne respecte pas les mesures barrières contre la pandémie du coronavirus, surtout au parking des bus de transport de Masanganzira dans la ville de Gitega. Les passagers ne se lavent pas les mains avant d'entrer dans les bus. Un des responsables de ces agences indique qu'ils vont se concerter pour trouver une solution à ce problème. Arthur Kavavouchi. Ces conducteurs transporteurs des véhicules de type Probox et IAS disent que, de leur côté, quand un véhicule arrive au parking, ils font d'abord sortir les passagers pour le lavage des mains avant d'entrer dans le parking, de même que pour la sortie. Mais ils déplorent le fait que, du côté des agences, c'est toujours un problème car ils entrent immédiatement avec les passagers sans se laver les mains, ce qui fait que, même s'ils observaient les mesures barrières seules, cela n'empêchera pas la propagation du Covid-19, disaient-ils. Le responsable de véhicules quittant Gitega vers Rutana, Ruyigi et même Bujumbura indiquait qu'ils ont sensibilisé leurs rabatteurs de ne pas se précipiter sur les clients comme ils le faisaient avant car ils peuvent être à l'origine de la propagation à cause du fait qu'il a touché le client. Toutefois, lui aussi déplore le fait que c'est toujours le cas dans les 5 agences qui travaillent dans ce parking. Un des responsables de ces agences ne nie pas les faits et dit qu'ils se sont entendus avec les clients de se diriger vers l'agence de leur choix et que pour ce qui est de leur rabatteur qui se précipite vers les clients en les touchant, il indique qu'ils sont en train d'interdire ce comportement. Quant aux masques, ces transporteurs demandent à ce que leur prix soit revu à la baisse afin de permettre leur accessibilité à tout le monde. En appuyant à la sensibilisation aux mesures barrières du Covid-19, le Bureau provincial sanitaire de Gitega et la Croix-Rouge branche Gitega appellent les transporteurs et leurs passagers à commencer l'usage des masques dans les véhicules. Depuis Gitega, Arthur Kavavouchi, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavavouchi. L'hôpital du cinquantenaire du chef-lieu de la province Karoussi doit être un hôpital de région et sera d'ici peu un centre hospitalo-universitaire. C'est ce qui a été dit ce mercredi par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida lors de sa visite. Tadendi Koumana a donné à cet hôpital un don de médicaments et de matériel de plusieurs sortes. Blaise Pascal Karoumi. L'hôpital du cinquantenaire du chef-lieu de la province de Karoussi doit être un hôpital de région où tous les autres hôpitaux de la même région doivent transférer leurs patients. Il indique que cet hôpital sera aussi transformé en un centre hospitalo-universitaire comme celui d'Okamenge, où les médecins étudiants qui vont terminer les études vont faire leur stage et encadrés par des médecins spécialistes. Pour la question du manque de médecins spécialistes dans cet hôpital, Tadin Dikoumana indique qu'en collaboration avec la direction de cet hôpital, ils vont élaborer une loi qui permettra que les médecins spécialistes puissent aller prester dans cet hôpital et pouvoir encadrer ces étudiants médecins. Il indique que même la population va en bénéficier et avoir des soins de qualité. Il a dit ce mercredi, lorsqu'il visitait cet hôpital, et à cette même occasion, il a donné des médicaments et du matériel, y compris le matériel qui sera utilisé pour tester le coronavirus, indique le ministre. Il a indiqué qu'il a rencontré la direction de cet hôpital pour expliquer la visée du gouvernement pour que la population puisse avoir des soins de qualité. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Et les prix pratiqués sur le kilogramme de haricots a grimpé jusqu'à près du double par rapport à ceux de l'année dernière. Les consommateurs craignent le manque de semences lors de la prochaine saison culturelle. Et là, nous sommes en province de Bururi. Les vendeurs de ce produit expliquent que la récolte n'a pas été bonne cette année, mais la direction du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Bururi nuance. Jean-Pierre Missago. Certains parmi les consommateurs du haricot s'approvisionnant au marché du chef-lieu de la province Bururi disent acheter actuellement à 1200 francs burundais le kilo du haricot le moins cher, dit Muchanganyiko, du haricot qui s'obtenait à un prix variant entre 650 francs burundais et 800 francs burundais le kilo il y a une année. Ces consommateurs redoutent déjà des difficultés financières pour pouvoir s'acheter les semences de haricots pour la prochaine saison culturelle B, estimant ces prix injustifiés alors que pour eux, la récolte du haricot avait été bonne. Pour les vendeurs du haricot, l'appréciation de la récolte est tout autre. Selon eux, les mauvaises récoltes du haricot dues à un excès de la pluviosité sont à l'origine de cette montée des prix pratiquée actuellement au kilo du haricot. Glorieuse Niyubahwe, directrice du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Bururi, nuance. Selon eux, ce sont les premiers semis qui ont été victimes de fortes pluies, mais qui ne peut pas expliquer la montée des prix à ce niveau. Elle explique que les pertes des premiers semis ont été compensées par les deuxièmes et les derniers semis qui ont donné de bonnes récoltes. Jean-Pierre Missago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Missago. Je vous l'avais dit dans les titres, les détenteurs de diplômes du baccalauréat au département de langue et littérature anglaise à l'Université du Burundi souhaitant postuler dans le domaine de l'enseignement dénoncent ce qu'ils appellent exclusion de la part de la Commission nationale de recrutement. Ils disent ne pas comprendre pourquoi il leur est exigé de présenter un certificat de formation pédagogique. Ces anciens étudiants de l'Université du Burundi demandent au gouvernement de les traiter comme les lauréats des autres facultés. Elie Dibel, Niwigira. Ces anciens étudiants de l'Université du Burundi, détenteurs de diplômes de baccalauréat dans le département des lettres et littératures, se demandent pourquoi l'exigence de certificat de formation pédagogique ne touche pas d'autres domaines. Selon eux, c'est une exclusion, estimant qu'ils sont aussi capables d'enseigner. Nous sommes très consternés par la mesure prise par la Commission nationale de recrutement qui a exclu les candidats qualifiés en langue et littérature faute de certificat de formation pédagogique. Cette mesure devrait concerner toutes les facultés de l'Université du Burundi. Ces diplômés qui désirent être recrutés comme enseignants disent qu'après avoir constaté cette situation, on saisit la Commission nationale de recrutement qui ne les a pas accueillis selon leur dire. Ils demandent au ministère de la fonction publique ainsi que celui de l'éducation et l'enseignement supérieur de donner des orientations. Après avoir constaté ça, nous avons écrit des lettres pour les différents organes, notamment pour la commission chargée de recrutement et des ministères, notamment le ministère de la fonction publique et du travail et le ministère de l'enseignement et recherche scientifique. Au niveau des destinataires, la réponse n'est pas du tout vraiment bonne parce que pour la commission chargée de recrutement, on a refusé de recevoir la lettre, demandant que nous devrions être traités sur le même c'est d'égalité que les autres ressortissants de l'Université du Burundi parce que les diplômes sont égaux devant la loi académique. Par exemple, on peut donner le cours d'informatique et gestion et le cours de banque et assurance. Avec ces cours-là, il n'y a pas de ressortissants de RENES et de RIPIAS. Donc, ça doit demander des ressortissants provenant des différentes facultés de l'Université du Burundi. Le recrutement de 1000 enseignants pour l'année scolaire 2020-2021 est prévu être clôturé le 21 août de l'année en cours. Eline Berlanibigira, la Commission nationale de recrutement, a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Certains parents de la ville de Kirundo divergent sur le fait de donner aux enfants des boissons alcoolisées, alors qu'ils observent dans la ville de Kirundo des enfants de moins de 18 ans qui prennent des boissons alcoolisées. Irène Mohigirwa, représentante de la FENADEB à Kirundo, interpelle toute personne à protéger les enfants de tout ce qui peut nuire à leur santé parce que l'excès d'alcool n'est pas bon, même pour les adultes. Agnès de Kirundo. Ces enfants qui prennent des boissons alcoolisées affirment qu'il arrive des fois qu'ils sont des vertiges, voire des maux de tête, après avoir consommé des boissons alcoolisées. Certains disent qu'ils ont commencé à boire grâce à l'accompagnement de leurs amis de bas âge, et les autres informent que leurs parents les a donné des boissons alcoolisées dès le bas âge. Certains parmi les parents de la ville de Kirundo divergent sur le fait de donner des boissons alcoolisées aux enfants de moins de 18 ans. Certains disent que les boissons alcoolisées peuvent conduire aux actes de barbarie, voire à la délinquance. Et d'autres mentionnent qu'une petite quantité de boissons alcoolisées pour les enfants de bas âge et surtout des nourrissons et les aide à lutter contre les vers intestinaux. Irène Mouhigigwa, représentante provinciale de la Fédération nationale pour les droits des enfants FENADEB, interpelle la population de Kirundo en général de veiller à la protection des enfants, de les protéger de tout ce qui peut nuire à leur santé, voire les stupéfaits. Irène demande à l'administration de sensibiliser jusqu'au niveau collinaire pour que ses enfants soient protégés. Elle a aussi ajouté que dans les activités faites par les associations en faveur des enfants, ont montré que les enfants de moins de 18 ans sont menacés par les actes de violence. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Les gens qui diffusent des messages de haine peuvent être poursuivis en justice s'ils ne se ressaisissent pas. C'est le président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide qui le dit. Jean-Baudieu Moutabazi indique que lorsqu'ils entendent de tels messages au sein de cet observatoire, ils commencent d'abord par un rappel à l'ordre avant de se concerter avec les organes habilités pour d'éventuelles poursuites. Oben Yonguru. Les messages de haine sont véhiculés sur plusieurs plateformes et surtout les réseaux sociaux ces derniers temps. Au sein de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité, lorsqu'ils entendent de tels propos, le président de cet observatoire dit qu'il demande d'abord à leurs auteurs de les arrêter. En cas de refus, Jean-Dieu Moutabazi indique qu'ils se concertent avec des institutions judiciaires pour poursuivre leurs auteurs. Les auteurs de ce genre de messages incitateurs de haine ont pour objectif d'inciter les différentes composantes ethniques burundaises à s'entre-déchirer, à s'entrer des dents. En fait, ils veulent inciter le peuple burundais à la violence et à la guerre civile, comme nous l'avons vu dans le temps. Alors nous prenons toutes les mesures qui sont prévues par la réglementation qui nous met en place et par la loi qui régit le Burundi pour que ce genre de message ne puisse pas avoir de conséquences négatives sur le Burundi. Donc, nous utilisons beaucoup plus la prévention dans notre mission. Pour lui, l'éradication de ces messages nécessite des efforts supplémentaires puisque leurs auteurs, dit-il, veulent souvent arriver à provoquer des violences de masse. En fait, quand ces messages ne sont pas stoppés à temps, c'est-à-dire que la loi est appliquée, le ministère public prend en charge ce genre de dossier et les auteurs de ce genre de messages sont punis conformément à la loi, conformément au code pénal, qui a prévu de punir sévèrement ce genre d'infraction. Jusqu'à maintenant, nous agissons sur des cas de manière globale et il n'y a pas de risque que nous voyons pour le moment et nous nous en réjouissons. Jean de Dieu Moutabazi en appelle, Jean de Dieu Moutabazi en appelle aussi à la conscience de tout un chacun dans la lutte contre de tels messages. Et l'appel que nous pouvons lancer, comme je le disais, vaut mieux prévenir que guérir. Même s'il n'y a pas de violence interethnique aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans le passé, il faut toujours rester vigilant. C'est pourquoi nous essayons de tout mettre en œuvre pour prévenir, de tout mettre en œuvre pour suivre la société burundaise. Et comme son Excellence le Président de la République l'a dit dans son discours programme après son élection, chacun, chaque Burundais, là où il est, il doit donner sa contribution pour sauvegarder la paix et la sécurité qui prévaut aujourd'hui. Il demande à tout un chacun d'adopter des messages rassembleurs. Oh ben, Niyonguru, vous voudrez bien nous excuser pour ces petites erreurs de nettoyage de cet élément sonore. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h16 à Bujumbura. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Albert Ndouayo. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.